Chapitre 15. Une pluie légère, pendant quelques heures de nuit, avait vaporisé les sauges, vernissé les troènes, les feuilles immobiles du magnolia, et emperlé sans les crever les gazes protectrices dont s'enveloppait, dans un pin, le nid des chenilles processionnaires. Le vent laissait en repos la mer, mais chantait sous les portes avec une voix faible et tentatrice, chargée de souvenirs de l'an passé, qui parlait sourdement de marrons grillés et de pommes mûres. À son instigation, Philippe revêtut en se levant un chandail bleu sombre sous sa veste de toile, déjeuna le dernier, comme il lui arrivait souvent depuis que son sommeil, moins pur et moins tranquille, commençait plus tard dans la nuit. Il courut, qu'étant vainqua, comme il eût cherché, en dépassant l'ombre d'un mur, une terrasse lumineuse. Mais il ne la trouva ni dans le hall, où l'humidité ranimait l'odeur de la boiserie vernie et de toile de chanvre, ni sur la terrasse. Une fumée de pluie impalpable encensait l'air et adhérait à la peau sans la mouiller. Une feuille de tremble, jaune, détachée, se balança un moment devant Philippe avec une grâce intentionnelle, puis chavira et tomba roide, accrue soudain d'un poing invisible. Il tendit l'oreille, entendit dans la cuisine le bruit hivernal du charbon versé dans le fourneau. Dans une chambre, la petite Lisette protesta d'une voix aiguë, puis pleura un moment. « Lisette !» appela Philippe. « Lisette, où est ta sœur ?»« Je ne sais pas !» gémit une petite voix enrhumée de larmes. Une rafale de vent brusque cueillit une ardoise sur le toit et la jeta en éclats aux pieds de Philippe, qui la regarda avec stupeur, comme si le destin eût brisé devant lui le miroir qui promet 7 ans de malheur. Il se sentit petit garçon et très loin du bonheur. Il n'eut aucune envie d'appeler celle qui, dans la villa ombragée de pins, là-bas, de l'autre côté du cap en forme de lion, eût cependant aimé le voir pusillanime et penchant vers l'appui de quelque indomptable énergie féminine. Il fit le tour de la maison, ne découvrit ni la tête blonde de son ami, ni sa robe bleue couleur de chardon bleu, ou sa robe blanche en coton spongieux d'un blanc de champignon frais. Deux longues jambes brunes, aux genoux secs et fins, ne se hâtèrent pas à sa rencontre. Deux yeux bleus, riches de 2 ou 3 bleus et d'un peu de mauve, ne fleurirent nulle part pour désaltérer les siens. « Vainca ! Où es-tu, Vainca ?»« Mais je suis là !» répondit une voix calme tout près de lui. « Dans la remise ?»« Dans la remise !» Accroupi, sous la lumière froide des abris sans fenêtres qui ne prennent jour que par la porte, elle remuait des étoffes répandues sur un drap usé. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Tu vois bien ?»« Je range. Je trie. On part bientôt, alors il faut bien. C'est maman qui m'a dit. » Elle regarda Philippe et se reposa en croisant ses bras sur ses genoux repliés. Il lui trouva un air pauvre et patient, et s'irrita. « Ça ne presse pas à ce point-là. Et pourquoi fais-tu ça toi-même ? Qu'il ferait ? Si maman s'y met, son rhumatisme du cœur la reprendra. Mais la femme de chambre peut bien... » Vainca haussa les épaules et reprit sa besogne en se parlant à elle-même, tout bas, comme font les vraies ouvrières qui mènent un petit fredon d'humbles abeilles occupées. « Ça, c'est les maillots de bain de Lisette. Le vert, le bleu, le rayé. Autant les jeter, c'est tout ce qu'ils méritent. Ça, c'est ma robe à festons roses. Elle vaut peut-être encore un blanchissage. Une paire, 2 paires, 3 paires d'espadrilles à moi. Et celle-là à fil, encore à fil. 2 vieilles chemises en cellulaire à fil. Les emmanchures sont craquées, mais les devants sont bons. » Elle tendit le tissu ajouré, découvrit 2 accrocs, filaments. Philippe la contemplait sans gratitude, en souffrant hostilement. Il souffrait de l'heure matinale, de l'éclairage gris sous le toit de tuiles, de la simple besogne. Une comparaison que des heures d'amour cachées, là-bas, à Kerana, ne lui avait point inspiré, commençait ici, comparaison qui n'atteignait pas encore la personne de Vinca. Vinca, religion de toute l'enfance. Vinca délaissé respectueusement pour la dramatique et nécessaire ivresse d'une première aventure. Une comparaison commençait ici, parmi ces hardes, éparses sur un drap reprisé, entre ces murs de briques non crépies, devant cet enfant en sarrau violâtre décoloré aux épaules. Agenouillée, elle interrompit son travail pour rejeter en arrière ses cheveux bien taillés, que le bain quotidien et l'air salé entretenaient humides et doux. Moins gaie depuis une quinzaine, elle montrait plus de calme et une égalité d'humeur obstinée qui inquiétait Philippe. Avait-elle vraiment voulu mourir avec lui, plutôt que d'attendre le temps d'aimer librement cette jeune ménagère coiffée à la Jeanne d'Arc? Le garçon aux sourcils froncés mesurait le changement, mais il ne songeait presque pas à Vinca en la contemplant. Présente, le péril de la perdre cessait et l'urgence de la recouvrer ne le tourmentait plus. Mais une comparaison commençait à cause d'elle. La faculté nouvelle de sentir, de souffrir inopinément, l'intolérance dont l'avait dotée récemment une belle pirate, s'enflammait au moindre choc, et aussi cette loyale injustice, ce début dans l'élévation qui consiste à reprocher au médiocre sa médiocrité et sa philosophie. Il découvrait non seulement le monde des émotions qu'on nomme, à la légère, physique, mais encore la nécessité d'embellir, matériellement, un autel où tremble une perfection insuffisante. Il connaissait une naissante fin pour ce qui contente la main, l'oreille et les yeux, les velours, la musique étudiée d'une voix, les parfums. Il ne se le reprochait pas, puisqu'il se sentait meilleur au contact d'un enivrant superflu, et que certains vêtements de soierie orientale, endossés dans l'ombre et le secret de Kerana, lui ennoblissaient l'âme. Il obéit, maladroitement, à un dessein imprécis et généreux. Négligeant de se révéler à lui-même qu'il souhaitait Vinca incomparable, paré, frotté de baume, il se borna à distinguer le chagrin qu'il éprouvait à la voir prosternée, naïvement enlaidie. Quelques mots durs lui échappèrent, auxquels Vinca ne répondit pas. Il s'aigrit, et elle lui répliqua juste assez pour qu'il devint injurieux, puis honteux de sa violence. Il mit un peu de temps et d'effort à se ressaisir, à s'excuser avec une sorte de contrition plate qui lui fut agréable. Cependant, Vinca liait, d'une main patiente, les sandales par paires, et retournait les poches des sweaters usés, pleine de coquillages roses et d'hippocampes secs. Aussi, c'est ta faute, conclut Philippe. Tu ne réponds rien. Alors moi, je m'emballe. Tu te laisses malmener. Pourquoi ? Elle l'enveloppa d'un regard de femme sagace, mûrie dans les calculs et les concessions du grand amour. Pendant que tu me tourmentes, dit-elle, au moins, tu es là.